Tu te réveilles un jour, un mois de septembre, l'air légende te semble si étrange. Tu es là tout nu, frêle comme un poussin. Et oui, je vous raconte mon histoire, l'histoire du désespoir. Ou quand tu viens au monde, tu connais rien de la vie. Ou quand tu viens au monde, tes parents te chérissent. Mais comme tu grandis, non, la vie n'est plus pareille. Avec des présidents qui se branlent à rien faire et qui te font la leçon en faisant les types bien. Mais que savent-ils de nos enfants face à ce monde des canons qui naissent par millions et qui, comme moi, en souffrent un goût amer d'amertume et de vengeance. Ils parlent de tolérance, mais la tolérance, moi je connais. Est-ce qu'ils en ont eu pour moi? Réfléchissez à tout cela et dites-vous bien que si j'en ai survécu, c'est grâce à l'amour de la vie. Colère, haine, tristesse, ce monde n'est pas fait pour nous. Sans compter ce que la vie nous réserve, pauvreté, malheur, malheur sans le bonheur. Partir sans que je puisse te dire au revoir. Mon cœur est meurtri de désespoir. Rentrer dans ce chemin obscur pour ne plus en ressortir. La vie n'est pas rose en plein été, puis le mois de septembre est arrivé. Catastrophe, tout est devenu noir autour de moi. J'ai semé tristesse, brouillard et vide pour une vie qui ne m'était pas destinée. Je m'enfonce dans le désespoir et ne plus le revoir. L'amour est si cruel dans un moment de tristesse. Peine de cœur déchirée par les liens de la cruauté. Souffrance fragile par le manque d'artifice. Dans les flammes de l'enfer, je vois brûler mes états d'âme. Regardez autour de vous, sombre et douleur et remarquable infusion. C'est de l'air.